Bonjour et bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal, je suis le fondateur du mouvement Ça commence par moi. À travers ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs du monde de demain. Ils incarnent les utopies réalistes dont nous avons tant besoin. Ce sont des bâtisseurs, des idéalistes, des empêcheurs de tourner en rond, des personnes à l'écoute du vivant et d'eux-mêmes qui ont décidé de se mettre au service d'une cause qui les dépasse, celle de la création d'une société plus égalitaire, plus durable et plus heureuse. Ils sont des milliers en France à agir concrètement pour montrer que l'action est le meilleur remède contre le fatalisme et que, si nous agissons avec ambition et amour, la décennie des 2030 glorieuses est à portée de main. Bonne écoute. Bonjour Anouk Blanchoin. Bonjour Julien Vidal. Bienvenue dans le podcast 2030 Glorieuse, dans lequel je rencontre celles et ceux qui sont les signaux faibles des mondes de demain. Avant tout, je remercie la NEF qui est le partenaire de ce podcast. La NEF, c'est une coopérative bancaire citoyenne qui soutient depuis plus de 30 ans les porteurs de projets sociaux, écologiques et culturels. C'est un partenariat qui me permet de continuer à vous faire découvrir des personnes inspirantes tout au long de l'année, des personnes comme Anouk. Anouk, toi tu es la fondatrice de Localoca, ce sont deux magasins de seconde main de 0 à 6 ans à Lyon. Et nous sommes d'ailleurs aujourd'hui dans la boutique du 7e arrondissement qui est sur le point d'ouvrir. Pour cette interview qui, du coup, a lieu à Lyon, nous parlerons ensemble de circularité, d'entrepreneuriat, plus largement du futur de la mode. Et Anouk, pour commencer, je te pose la question que je pose à tout le monde. Tu participes à un événement où tu es amené à rencontrer des personnes pour la première fois. Et vient cette question fatidique de « Et toi, tu fais quoi dans la vie ?» Qu'est-ce que tu leur réponds ? Alors moi, j'essaye de leur répondre souvent que j'essaye de créer une société plus durable et désirable, notamment avec le projet que j'ai mis en place il y a 2 ans, Localoca, qui consiste à créer une économie circulaire et surtout locale. Donc, c'est une boutique. Voilà. Donc, ça se manifeste par déjà une première boutique que j'ai ouverte il y a 1 an et demi, qui consiste à remettre en circulation des vêtements, jeux, jouets et livres pour les enfants de 0 à 6 ans. Et là, par la deuxième boutique qu'on ouvre dans quelques jours, et on va développer l'offre jusqu'à 12 ans, les articles de puériculture, vêtements de maternité. Donc, de rester sur le cercle de l'enfance maternité pour se dire qu'il y a déjà assez de choses qui sont produites pour pouvoir les remettre en circulation. Pour limiter un peu les voyages dans le temps et les allers-retours temporels pour les personnes qui nous écoutent, on fait cette interview tout début octobre. Elle sera sans doute diffusée à la fin du mois, donc ta boutique sera déjà ouverte. Elle sera déjà ouverte. Voilà, pour les personnes qui nous écoutent, qui sont à Lyon ou qui sont de passage à Lyon, elle sera déjà ouverte. C'est juste à côté de la place, comment elle s'appelle ? La place Jules Guesde. Jules Guesde, voilà. Dans le 7e arrondissement, mais tu nous parles de tout ça, tu es fondatrice de Localoca, de boutiques, super, génial, ça marche bien sur LinkedIn tout ça, là, cette présentation. Pour moi, c'est pas suffisant, j'aimerais que tu m'aides à renommer ton poste, renommer surtout ton poste, non pas en partant de ce que tu es en train de faire, mais ce que tu vises, les objectifs que tu vises. Je m'étais noté 2-3 idées, tu vois, je m'étais dit, est-ce que, en fait, ça vaudrait pas le coup tu te présentes comme une experte en circularité textile, ou est-ce que tu te présenterais pas plutôt en missionnée de seconde vie pour les vêtements, ou est-ce que toi tu as une autre idée qui réussirait à reprendre un peu des mots-clés, non pas de, voilà, encore une fois, de cette idée de lancer quelque chose qui est pourquoi pas très vertueux mais pas suffisant en fait. Qu'est-ce que tu vises, à quoi tu contribues et comment tu peux l'intégrer dans un intitulé de poste? J'aime beaucoup les termes que tu as utilisés parce que c'est exactement ça. Au-delà de, comme je te disais, la boutique, c'est une manifestation, mais ma mission première, c'est de mettre en place une économie circulaire, donc de recréer du lien sur un même territoire et de faire circuler sur un même territoire. Parce que là, l'économie circulaire, elle peut être sous plusieurs formes, donc elle peut être en location. Au début, d'ailleurs, j'ai commencé avec de la location de vêtements, mais quand je me suis rendu compte que ça ne marchait pas, donc logistiquement et de façon rentable non plus, c'était soit je passais au niveau national, et pour moi, ça n'avait pas de sens. Donc vraiment, je pars du principe qu'il y a assez de solutions sur le territoire pour pouvoir faire avec. Et donc, si on pouvait le renommer, ce serait ma mission, ce serait de... à dire euh, remettre en circulation localement tous les articles, pas tous les articles, mais les articles en très bon état des enfants sur le domaine de l'enfance. On reparlera de... T'es pas convaincu par... Non, mais c'est une question qui est difficile, donc on y retravaillera et ce sera finalement la petite présentation qui viendra sur la pochette du podcast. Donc si vous nous écoutez, vous savez que le résultat a mis du temps à émerger. On reparlera justement de l'évolution de tes modèles économiques. Je trouve que c'est intéressant et cette recherche de plus de circularité, mais des boucles les plus courtes de la circularité. Hein. C'est Jules Cognard qui dit ça, de circulaire, qui dit que la circularité, elle a des boucles très longues. En général, celui dont on parle malheureusement le plus, typiquement le recyclage, mais que les boucles les plus courtes sont en fait les plus vertueuses, inscrites localement sur un territoire, et qu'en plus, elles ont plein de co-bénéfices, notamment l'emploi, mais on en reparlera aussi. Avant toute chose, même si on en a déjà parlé, notamment avec des personnes que toi, tu connais bien, comme Marie Nguyen, qui fait WeDress Faire, que j'ai interviewé, mais maintenant presque il y a 2 ans, donc ça date. Est-ce que tu peux me redonner 2-3 éléments, chiffres clés qui indiquent pourquoi tu t'es lancé sur ce sujet, sur cette thématique de la mode en particulier? Parce que il y a plein de batailles, si je peux le dire comme ça. Ça aurait pu être, je sais pas, le gaspillage alimentaire. Ça aurait pu être, en ce moment on en parle beaucoup, la sobriété énergétique. Maintenant toi tu t'es dit c'est la mode mon cheval de bataille. Pourquoi? Parce que je suis partie du principe, notamment pour les enfants, je suis partie du constat que la mode c'est une des industries qui pollue le plus, enfin la mode, l'industrie textile. Et par exemple, un t-shirt, c'est plus de 2500 litres d'eau. Et j'en rigole nerveusement, mais en disant, on dit aux enfants de couper l'eau quand on se lave les dents, mais pourtant, on leur achète un t-shirt tous les mois. Donc là, il y a déjà une dissonance, mais en fait, c'est qu'on n'a pas l'information. Donc, l'industrie textile a été la première porte par laquelle je suis rentrée. Pour se dire, bah déjà, les vêtements, on va essayer de les remettre en circulation le plus possible. Et après, ça a été, bah OK, quand je construis le projet, comment je mets cette réflexion-là? Et donc, tu le disais, le fait de travailler en ultra-local, moi, ça a commencé par les vêtements, mais après, ça a été la construction de tout le projet. Donc, notamment, quand je suis allée aussi me renseigner pour ouvrir la boutique, tous les matériaux que j'ai sélectionnés, j'ai fait en sorte de les faire soit avec de la seconde main, parce que, bah, encore une fois, il y a assez de choses qui sont déjà produites pour qu'on puisse les remettre en circulation, ou sinon aussi avec des fournisseurs qui sont locaux. Donc, tout le bois des portants, le bois des cintres, c'est avec des fournisseurs. Donc, il y en a un qui a même pas 30 km de Lyon, l'autre qui est dans le nord de la France. Et en fait, ils gèrent durablement leur bois. Et après, on travaille avec Mineka, qui, eux, remettent en circulation, enfin, vont sur des chantiers, des fins de chantier, et prennent des matériaux qui sont destinés à être jetés. Donc, c'est comme ça qu'on a récupéré, par exemple, des estrades d'une ancienne expo du Musée des Tissus, un tableau craie qui a fait notre comptoir caisse où les enfants s'éclatent. Et en fait, c'est là où je me dis, OK, les vêtements, c'est déjà quelque chose parce que ça pollue beaucoup. Un enfant, il porte à peu près 600 vêtements de ses 0 à 6 ans. Donc là aussi, pour les adultes, il y a pas mal de fripes. Mais pour les enfants, on pourra en revenir. Mais il y a un gros enjeu sur le modèle économique parce que c'est des vêtements qui sont vendus entre 5 et 15 euros. Oui, c'est vrai que je veux bien qu'on en reparle parce qu'en plus, même nous, sur le prix de vente, on indique toujours le prix du neuf et le prix que nous, local en pratique. Parce que je me dis qu'en fait, si demain, un acteur veut produire dans le respect des hommes et de la planète, ce sera des t-shirts, même pour les enfants, à 30-40 euros. Et ce sera justifié. Mais par contre, il ne faut pas que nous, quand on arrive sur le marché et on revende des t-shirts à 5 euros, on dise que 5 euros, c'est le prix standard pour un vêtement d'enfant. Donc, il y a une éducation à faire. Hein. Tu parles là de toutes les solutions matérielles que tu tentes de mettre en place pour cette circularité qui dépasserait les vêtements. Et tu le dis, en plus, hein, les vêtements pour enfants, ça fait particulièrement partie de cette mode qui est la quintessence de la fast fashion parce que les enfants grandissent très vite, portent assez peu leurs vêtements, produits à l'autre bout de la planète, dans de très mauvaises conditions, des vêtements de très mauvaise qualité. Et donc là, vraiment, on est dans le cercle vicieux par excellence, sans compter, avant de te redonner la parole sur cette question du prix, qu'en plus, il y a le marketing là qui matraque, mais en permanence, tous les futurs parents ou les grands-parents ou les personnes extérieures à ces familles qui voient arriver un enfant en leur faisant penser que le symbole du geste de l'amour, c'est d'acheter quelques vêtements et que ça doit passer par là. Et puis en plus, ça doit être des vêtements neufs, trop mignons, qui sentent bon, tout le tralala. Et donc presque aussi, tu as cette mission d'éclairage, d'accompagnement pédagogique pour tordre le cou un peu à ces sujets. Là où, en général, le vintage maintenant, le seconde main est assez assez bien accepté pour les adultes, c'est encore difficile pour les enfants. Hein. Oui, c'est ça. Et en fait, tu pointes une très belle problématique qui est le fait de se dire, bah, pour que vous soyez un bon parent ou une bonne tata, un bon tonton, il faut offrir le plus beau cadeau, le plus cher. Sauf qu'en fait, nous, on essaye d'avoir ce gros volet information, sensibilisation en disant qu'un vêtement neuf pollue plus et moins bon pour la santé d'un enfant qu'un vêtement seconde main. Parce qu'en fait, il y a tellement de pesticides et d'autres choses pas super chouettes sur le vêtement que ça crée des allergies pour les enfants. Et donc là aussi, encore une fois, on y va par des campagnes d'information, sensibilisation, en leur disant qu'acheter un t-shirt seconde main est meilleur pour la santé de son enfant. Et donc, tu as de plus en plus de personnes qui viennent faire des cadeaux pour des jeunes enfants qui viendraient d'arriver dans les familles. Est-ce que tu sens qu'il y a une évolution de la perception, de la valeur de la seconde main, si je peux le dire comme ça ? On sent qu'il y a une petite évolution, donc très encourageante, mais quand on l'a vu, c'était pour que ce soit OK d'offrir de la seconde main, il faut que les deux parties soient OK. Et du coup, c'est là où on essaye aussi au moment de Noël de dire, ou même quand les personnes viennent et sont des futurs parents, de leur dire, c'est comme ça que ça marche. En fait, c'est les parents qui vont avoir un enfant qui disent, en fait, nous, on veut que de la seconde main ou que du fait maison. Ou pareil pour les cadeaux de Noël en disant, on veut que de la seconde main parce qu'en fait, il faut l'aval avant des parents pour pas qu'on ait cette image de radin quand on offre un cadeau seconde main. Et d'ailleurs, peut-être que si on peut en reparler un peu de l'évolution de la boutique qui, au début, tu l'as dit, faisait de la location, vers aujourd'hui, une boutique qui propose des vêtements de seconde main qui sont quand même de très belle qualité, très bien présentés, avec, pour utiliser des termes un peu marketing, une expérience client qui est vraiment de qualité. On se rend compte que toi, tu t'es mis sur un créneau aussi où tu voulais, d'une certaine manière, redonner de la valeur à la seconde main, là où si... il y avait peut-être des parents qui déjà avaient bien compris ça, ils iraient dans l'Emmaüs du quartier, ils fouilleraient, ils trouveraient les trucs qui iraient bien, les body, les machins et tout, dans la machine, et puis finalement, eux, ça leur irait. Toi, ça leur irait. Toi, t'es dans un autre créneau. Est-ce que tu peux nous raconter un peu toute cette évolution qui t'a fait aujourd'hui, qui t'a mis dans cette position ? Mais c'est vrai, comme tu dis, en fait, il y a un gros volet qui est psychologie du consommateur et qui, moi, me passionne en disant que rationnellement, on pourrait se dire un t-shirt, il est produit, on le lave, il est super. Mais en fait, psychologiquement, c'est quand même compliqué pour certaines personnes d'aller fouiller dans un Emmaüs parce que il y a encore cette image assez poussiéreuse. Et du coup, moi, avec Localoca, je me suis dit, moi, c'est OK, je suis la première à y aller dans les Emmaüs, mais je suis consciente que s'il y a des marques, sans les nommer, mais qui proposent une expérience client qui est assez dingue et qui mettent un positionnement prix qui est supérieur juste parce que quand tu rentres dans une boutique, tu te sens bien, et en fait, il faut qu'on fasse pareil aussi. C'est, entre guillemets, de la manipulation, mais pour informer, pour sensibiliser, pour aider à la transition. Et du coup, nous, on a repris les codes des magasins neufs. Donc, quand tu rentres dans un Localoca, tout est trié par ordre. On a fait même par colorama sur les portants. Tout est espacé, épuré, les cendres sont en bois. Et après, moi, le revers de la médaille, c'est que je me dis, par exemple, moi, je sais que les matériaux, c'est des bons matériaux qui sont locaux, qui sont de seconde main. Et pareil, quand les personnes veulent nous vendre des vêtements, on leur dit OK, mais par contre, on paye qu'en monnaie locale. Ça aussi, on pourra y revenir. Mais dans le sens, en fait, on va dans leur sens en leur disant, regardez la boutique, on dirait une boutique de neuf, vous n'avez pas l'impression d'acheter de la seconde main. Et c'est ce que la plupart des personnes nous disent quand elles rentrent. Elles sont étonnées. Du coup, maintenant, on a mis seconde main partout parce que quand même, là où on s'implante, c'est des personnes qui sont quand même assez sensibilisées et elles veulent de plus en plus consommer de la seconde main. Mais par contre, elles apprécient le fait de ne pas avoir à fouiller. Et donc, de pouvoir se sentir bien dans une boutique. Pareil, on joue sur tout ce qui est l'expérience client, donc le marketing sensoriel, l'odorat, le visuel aussi. Et en fait, ça, c'est important pour les clients. Et c'est pas conscientisé. Et donc, nous, on se dit, OK, on va créer cette expérience client. Alors que les consommateurs ne s'en rendent pas compte. Mais par contre, nous, on va mettre toutes nos valeurs. Enfin, moi, je vais mettre toutes mes valeurs dedans. Donc, c'est-à-dire avec des bons matériaux, avec des produits de seconde main, avec l'achat en gonette. Et puis après, en informant, en sensibilisant sur le ton, un peu de l'humour, mais aussi surtout en voulant être impactant, en disant, par exemple, comme on parlait avec la brosse à dents, ou alors on leur apprend les valeurs du féminisme, mais on leur achète des jeans made in Bangladesh, sachant que là-bas, il y a aussi des gros enjeux sur le travail des salariés qui sont notamment des femmes. Comment tu fais pour pas tomber dans le piège vers lequel pourrait mener une pratique comme la tienne, qui serait de dire, bah, en fait, vu que maintenant on fait les choses de la manière la plus vertueuse possible, d'une certaine manière, on donne carte blanche pour que les clients et les clientes puissent venir continuer à surconsommer dans ma boutique. Est-ce que tu arrives à contrôler ça? Est-ce que tu vois du coup des gens qui viennent se dire « Oh, ça fait du bien d'être dans un endroit où tout est en gros ok, et donc du coup, bon bah allez, j'achète 8 t-shirts, 4 jeans et 18 body, et puis en fait j'en aurais besoin que de 2 ». Est-ce que tu as un accompagnement par rapport à ça? Très très bonne question. On parle d'autres boutiques, enfin d'autres magasins, d'autres alternatives qui sont les nôtres. Donc par exemple on peut les citer, les plateformes en ligne. Donc par exemple Vinted, où on se dit ok, il y a beaucoup de choses qu'on peut reprocher à Vinted, mais d'un autre côté ils ont démocratisé la seconde main, donc ça c'est génial. On leur parle aussi des Emmaüs par exemple, et après nous nos prix, on est à peu près entre 50 et 60% du prix du neuf. Donc c'est pas des prix qui sont ultra bradés, c'est pas des t-shirts ou des pantalons à 1 ou 2 euros. Donc on essaye de conscientiser notamment sur l'étiquette, où un pantalon neuf chez la plupart des marques c'est 20 euros, et ben nous on va le vendre 10, 11 euros. Et du coup, c'est pas des prix qui sont tellement peu chers que tu peux en prendre une dizaine. C'est quand même un investissement, mais faut, enfin voilà, quand on a des enfants, il y a quand même des dépenses qui sont là, qui sont présentes. Et donc nous, c'était aussi une volonté, au-delà du fait de se dire, si demain un acteur veut faire les choses bien, on n'a pas envie de casser les prix sur le marché, parce que j'aimerais bien que, on en reparlera, mais à terme, il y ait de plus en plus de marques qui puissent reproduire dans des bonnes conditions, parce que à un moment on en aura besoin. Enfin, faudrait déjà remettre en circulation tout ce qui a été produit, mais à terme, ce serait chouette qu'il y ait d'autres marques qui puissent faire les choses bien, mais du coup, ça a un coût derrière. Donc finalement, le prix, c'est à la fois, j'allais dire, presque éduquer le consommateur au juste prix des choses, mais aussi effectivement limiter un peu la surconsommation qu'il pourrait avec et qui pourrait faire en sorte que tu aies des ardoises de certains clients qui seraient gigantesques. Je comprends ça. Est-ce qu'on peut continuer sur ce dont tu parlais, la circularité, et comment tu as fait pour aujourd'hui faire en sorte que, au-delà de, et là on l'a bien compris, de ta boutique physique qui est locale voire ultra locale, tu as réussi à créer des boucles aussi de circularité autour des vêtements? Est-ce que tu peux me raconter d'où viennent les vêtements, comment ils sont même nettoyés, triés, etc. Déjà pour commencer, ça c'est une petite parenthèse sur l'entrepreneuriat, mais quand j'ai commencé le projet, je sortais des études et je devais avoir 1000 euros sur mon compte en banque, et c'est d'ailleurs pour ça que je suis allée sur le marché des enfants, parce que quand on achète j'ai pu acheter on va dire plusieurs vêtements pour commencer. Avec mes 1000 euros, j'ai fait le tour du Bon Coin, de Marketplace, et je me suis constitué mon premier stock de départ comme ça. Donc ça a été pour commencer de rester en ultra local et puis d'acheter des vêtements comme ça. Et pourquoi on en reparlait? C'était de l'ultra local. En fait, après, à chaque fois, c'est tout ce que je fais, j'essaye de me dire, est-ce que c'est viable dans 5-10 ans? Et si tout le monde fait la même chose que moi, est-ce que c'est OK? Et du coup, une fois que je me suis constitué mon premier stock de départ, j'ai voulu acheter auprès des parents. Et donc, pour acheter auprès des parents, c'est quel est le prix d'achat? Parce que je voulais pas fonctionner comme un dépôt-vente. Encore une fois, il y a plein de modèles qui sont OK, mais moi, c'est pas celui que je voulais, parce que j'avais pas envie de m'enquiquiner, entre guillemets, à chaque fois qu'un vêtement est vendu, à qui il faut envoyer un petit message. Du coup, pour l'achat, je me suis dit, OK, on va acheter auprès des parents, mais on va acheter moins cher parce qu'on prend le risque de ne pas le vendre, et on va acheter au kilo. Parce que, en parallèle, pour ouvrir la deuxième boutique, donc ça, c'était un an plus tard, j'ai dû constituer un plus gros stock de départ, et là j'avais pas le temps, entre guillemets, parce que ça s'est fait assez rapidement, de rester en local. Donc je suis allée auprès d'un professionnel de la seconde main, donc c'est là où j'ai pu voir les centres de tri, qui là c'est des montagnes, des kilomètres carrés de montagnes de vêtements qui attendent juste d'être triés. Et en fait, c'est là où on dit ça continue de s'entasser, et c'est là où pour moi c'est nécessaire de faire du volume, entre guillemets, sur les vêtements, pour remettre en circulation les vêtements, parce qu'il y en a, tellement que c'est assez aberrant. Bref, et c'est là où j'ai vu que... Et encore, c'est les vêtements qui sont de bonne qualité et qui, du coup, sont en attente d'être revendus. Mais on a aussi tous les vêtements qu'on envoie, et on a vu ces images, notamment dans le reportage sur le front d'Hugo Clément, où là, ils sont en Afrique, et c'est des montagnes qui deviennent des collines de vêtements qui terminent souvent dans la mer, dans les océans. Mais c'est vrai, comme tu dis, en fait, c'est assez... je pense que c'est important, comme tu dis, de refaire une parenthèse sur les déchets textiles, comme on les appelle. En fait, quand on envoie nos vêtements dans des centres de tri, il y a une partie qui est remise en circulation en France. Il y a une autre partie qui est achetée par des pays étrangers à des prix qui sont moins importants. Mais sur ce volet-là, en fait, quand ça arrive à l'étranger, il y a à peu près 10 à 20% qui est utilisé par les locaux. Sachant que du coup de cette contrepartie là ça a détruit le travail de certaines femmes sur place qui avant elles produisaient les vêtements, bah vu que maintenant ils peuvent avoir des vêtements moins chers, ces femmes là ont perdu leur indépendance et ne peuvent plus c'est plus intéressant pour les autres locaux d'acheter auprès de ces femmes là et après le reste, donc les 80% qui ne sont pas remis en circulation sur les territoires à l'étranger, c'est des décharges à ciel ouvert. Alors de plus en plus on a des, mais on va pas s'étendre trop là-dessus, des initiatives qui tentent de faire notamment de l'isolation à travers les vêtements, on a des briques de vêtements, des choses comme ça, mais bon on a aussi de plus en plus aussi de coton qui est refait à base de d'anciens vêtements, bref, donc c'est une parenthèse qu'on referme, excuse-moi, mais du coup tu dis tu vois ces entrepôts gigantesques, du coup tu fais appel à un professionnel, tu vas pouvoir sélectionner, parce qu'il y a quand même cette idée de sélectionner des produits de bonne qualité et qui te permettraient d'avoir une offre la plus complète possible, mais ensuite, une fois que tu as tous ces vêtements, t'en fais quoi? Comment ils arrivent jusqu'à tes portants? Comment ils rentrent dans ta boutique? Alors nous, on a un gros travail, donc c'est pour ça aussi d'ailleurs, quand on en revient sur le prix, que nous, on peut pas vendre à 1 ou 2 euros, parce que les gros enjeux du réemploi, c'est d'être rentable. Et nous, derrière, le fait, donc il y a plusieurs étapes, après sélectionner, c'est laver, sécher, plier, trier, ranger, étiqueter, pricer, défroisser, remettre en rayon. Et en fait, tout ça, on l'a temporalisé, et pour 1 kilo de vêtements, c'est à peu près 7-8 vêtements, c'est une heure de travail. Et donc ça nécessite aussi qu'on doive vendre à un certain prix. Nous, on est perdant en dessous de 5-6 euros, on perd de l'argent pour l'instant. Et du coup, après, d'où la nécessité de faire des économies d'échelle pour baisser les coûts et de faire du volume. Donc c'est pour ça aussi qu'on encourage les copains à ouvrir d'autres boutiques de seconde main, parce qu'on a vu, il y a tellement de vêtements qui sont déjà là qu'il y a largement de quoi remettre en circulation. Et après, nous, on a un volet donc d'achat local. La parenthèse du professionnel, c'était juste pour l'ouverture de la première boutique. Mais moi, après, je voulais vraiment travailler avec les acteurs locaux. Donc on pourrait les appeler les consommateurs, mais pour moi, c'est plus une communauté en fait qu'on est en train de créer à Lyon, où les parents, ils peuvent autant vendre que acheter. Et en fait, on fait circuler dans un rayon de 10 km². Et du coup, sur ce volet, que les parents puissent nous vendre les vêtements, pour moi, c'était important que cet argent qui soit remis en circulation ne serve pas à racheter des vêtements à 1 ou 2 euros neufs. Et c'est là où je me suis dit, OK, bah, est-ce qu'on fait des bons d'achat? Et en fait, il y a la monnaie locale à Lyon qui fonctionne très bien et qui est géniale, qui s'appelle la gonette. Et elle permet, donc nous, on paye exclusivement en gonette. Et comme ça, les parents, eux, après, ils réinvestissent dans des commerces locaux et responsables. Donc, notamment la Biocoop, WeDressFair. Pour ne pas les citer. Et là, ta dernière fierté, c'est que tout le processus que tu nous as dit en un éclair de nettoyage, de trier, plier, etc., etc., maintenant, c'est fait en plus par des personnes qui sont éloignées de l'emploi. Raconte-moi ça, exactement, s'il te plaît. Donc nous, pour la première boutique, elle faisait 40 mètres carrés, donc on ne pouvait pas externaliser parce que c'était pas viable financièrement. Et là, avec la deuxième boutique, déjà le fait qu'on double le chiffre d'affaires et que là, on double la surface de vente, en fait, on quadruple le volume par rapport à l'année dernière. Et donc, nous, on ne peut plus faire tout le travail nous-mêmes parce qu'on est une petite équipe de 3-4. De 23h à 5h du matin, non? L'entrepreneuriat qui fait rêver. Une petite limite. Et du coup, mais après, c'est là où moi, ça me fait vraiment très, très plaisir de pouvoir travailler avec les acteurs du territoire. Et ça, c'est un volet que, de toute façon, depuis le début, je mets l'accent dessus, qui est, on se complète sur un même territoire. Et là, j'ai trouvé Sentilly Pleine Action, qui est une association dans le cadre de Territoire Zéro Chômeur, qui embauche des personnes qui sont éloignées de l'emploi depuis des fois 10, 15 ans, pour leur dire, si vous voulez du travail, nous, on vous donne du travail. Et en fait, c'est un dispositif d'État, pour la petite parenthèse, plutôt que de verser un chômage, il leur verse un salaire. Et en plus de ça, ça les remet dans l'emploi, ça leur redonne confiance, ça leur met dans une dynamique, ça leur fait rencontrer du monde. Enfin, c'est génial. Et donc, nous, à partir du moment où on a eu assez de volume, c'est-à-dire là, x4 par rapport à l'année dernière, on s'est dit, OK, on va externaliser internaliser tout ce qui est laver, sécher, plier, trier, ranger, étiqueter. Ce qui te rajoute un petit coût, forcément financier, mais aussi de ton temps, où tu dois les former, ces personnes-là. Mais ça marche, ça rentre dans le modèle économique et ça apporte une nouvelle valeur à ton travail, en fait. Oui, alors, en fait, il y a plusieurs choses. Déjà, moi, ça a beaucoup de sens pour moi. Alors, de une, on pouvait plus tout faire toute seule. De deux, ça a beaucoup de sens pour moi de faire travailler ces personnes-là. Et après, de trois, en fait, là, on est en train de regarder si c'est viable financièrement. Et après, c'est des montages économiques où on va se dire, bah, OK, nous, on va externaliser cette partie-là. À partir de quel moment? Donc là, c'est un accord qu'on a eu avec Sentier Pleine Action où, déjà, pour moi, c'était important de les former parce que, comme on le disait, des fois, ils n'ont pas été en emploi pendant plus de 20 ans, pendant plus de 10 ans. Et du coup, de les former sur comment plier un vêtement, comment l'étiqueter, comment le trier. Et en fait, c'est des gestes qui, pour nous, peuvent être simples. Mais en fait, pour des personnes, enfin, ça l'est pas pour tout le monde. Et du coup, de pouvoir les accompagner. Et eux, après, je sais qu'ils veulent monter une fripe. Bah, du coup, c'est de leur donner les clés en main aussi pour leur dire, voilà comment vous pouvez optimiser votre temps pour pas passer, pour que ce soit plus optimum pour tout le monde. Et encore, on reste, enfin. Ça permet aussi, moi j'adore de partager le savoir. Moi, je me suis mangé les dents sur beaucoup de choses dans le réemploi parce qu'en fait, il y a plein de choses qu'on ne sait pas, autant logistiquement, financièrement. Comme on le disait, j'ai commencé avec la location de vêtements. Au début, je louais les vêtements 1 euro le vêtement par mois. Je ne sais pas s'il y a des économistes qui nous écoutent. En fait, c'est pas possible. C'est pas possible parce qu'il y a le réemploi, il y a des gros enjeux de service. Et en fait, c'est là aussi où c'est intéressant et important de remettre de l'information et de sensibiliser parce que dans le réemploi, en fait, on paye plus un service qu'un produit. Et si on veut, enfin, moi, demain, comme on le disait, c'est la société que je veux pour demain, ben, en fait, il faut informer en disant, en payant ce produit qui est de la seconde main, peut-être que vous allez le payer plus cher, mais en fait, vous n'allez pas. Au-delà du produit en tant que tel, vous allez plus payer le service, le fait d'avoir passé du temps, des minutes, des heures sur ce produit-là. Et je trouve ça génial parce qu'en fait, on prend les produits un à un et on les resacralise plutôt que là, il y a, enfin, on est allé trop dans, on produit des 20 000 unités par 20 000 unités, des fois 500 000, enfin, c'est aberrant et on se dit, on n'a pas besoin de tout ça. Et le fait de reprendre les articles un à un, on leur redonne de la valeur, quoi. Et je trouve ça vraiment très, très beau. On est dans la boutique de Loka Loka, dans le 7e arrondissement à Lyon. Anouk est absolument passionnée et passionnante. L'interview va durer beaucoup plus longtemps que prévu, c'est parti. Mais en attendant, Anouk, toi, tu viens avec un cadeau. Comme à chaque fois, l'invité nous propose une fenêtre d'utopie qui représenterait des valeurs qui lui sont chères et qu'elle aimerait voir émerger en 2030 glorieuse. Et tu nous proposes cette fenêtre à travers un bouquin qui te touche particulièrement. Lequel est-ce, s'il te plaît? Le bouquin, du coup, c'est La mémoire du thé de Lisa Si. J'ai trouvé ce bouquin très poétique parce que ça raconte l'histoire d'une jeune fille autochtone qui vient de Chine et qui pour des raisons personnelles, donc elle tombe enceinte et c'est pas ok dans sa communauté de tomber enceinte sans être mariée. Elle doit partir pendant plusieurs années à l'extérieur de sa communauté. Et donc elle se retrouve dans des villes mondialisées qu'elle n'a pas, qui sont en pleine émergence parce que c'était il y a 20-30 ans. Et du coup elle se retrouve dans ces villes-là et le passage arrive quand elle revient dans sa famille 8 ans après. Donc elle a passé 8 ans elle dans une ville mondialisée et elle revient auprès de sa famille autochtone qui elle aussi a vécu des changements. Servi, je trouve le courage de les interroger sur les changements au village, en faisant remarquer qu'après des siècles d'une vie régulière, tout a été chamboulé au cours de mes 8 années d'absence. Tout a commencé avec Monsieur Yang. Nos vies ont changé rapidement après que Hong Kong est venu à nous, convient Abba. Mais nous ne l'avons pas vu depuis des années. Tu sais comment il est, toujours à chercher quelque chose que personne d'autre n'a. Il expérimente sûrement des feuilles dans un village sur l'une ou l'autre des montagnes théières. Grand bien lui fasse. Avec tous les marchands et les collectionneurs qui viennent nous rendre visite, nous n'avons plus besoin de lui. Et nos traditions, je demande. Leurs visages me regardent en silence, mais le message est clair. Qui es-tu pour poser cette question avec tes manières de la ville ? Tout le monde change, répond enfin Abba. Nous vivons toujours dans la forêt, mais le monde est venu à nous. Nous avons toujours le festival de la balançoire, nous construisons un nouveau portail aux esprits chaque année, et nous consultons le Ruma avant de semer nos graines, de récolter les feuilles et pour fixer les dates de mariage propices. Mais nous n'avons pas le temps pour tous les rituels de purification, les sacrifices, ou pour nous inquiéter du jour du chien ou du bœuf, quand nous avons tant à faire. Le thé est très lucratif et tu le sais. Qu'est-ce qui est le plus étrange ? La manière détachée dont il vient de rabaisser nos coutumes ou la manière dont il parle d'affaires ? Nous devons protéger nos produits, poursuit-il. Certains marchands de thé, très particulièrement avides, ont déjà envoyé des voyous dans nos montagnes pour abattre les plus anciens théiers, car il est plus facile de récolter les feuilles ainsi. Ils abattraient un arbre, dis-je choqué, et son âme. Mais cela ne semble intéresser personne. Quand le gouvernement a institué le standard de qualité et de sécurité, nous n'avons plus pu faire sécher nos feuilles ou les faire fermenter artificiellement par terre ou sur le sol de la maison, poursuit premier frère. Le thé devait être traité au moins à 50 mètres des animaux, alors nous avons dû vendre notre bétail. Ces nouvelles règles se sont avérées bénéfiques pour nous, car maintenant, plus rien ne peut gâcher l'arôme de notre thé. Nous avons emprunté 50 000 yang pour construire le séchoir et le bâtiment de traitement, là où se trouvait notre ancienne maison. Et maintenant, nous avons chacun notre maison avec l'eau courante, intervient troisième frère. Leur optimisme et leur manière dépensière ont été encouragés par une extension anticipée de la politique de 30 ans, sans changement. Sachant qu'ils posséderaient sa terre jusqu'en 2034, premier frère a arraché les buissons à thé de ses terrasses et deuxième frère a déraciné ses arbres et cimé pour en planter de nouveaux à partir de graines. Abba a abandonné ses potagers. Nous pouvons acheter ce dont nous avons besoin au village, de la forêt des bambous, pour pouvoir lui aussi planter des théiers. Les rares théiers sauvages qui poussent sur leurs propriétés respectives leur ont permis de financer ces améliorations, tandis que les vieux théiers de troisième frère, autrefois sans valeur, sont maintenant le bien le plus précieux de la famille. Merci Yannouk pour cette lecture. Pourquoi tu as choisi ce passage en particulier ? Très beau et en fait qui amène une réflexion qui est les derniers changements, donc la mondialisation, l'industrialisation a permis d'amener des choses chouettes comme l'eau courante, comme il le dit, comme le fait de pouvoir se sortir d'une certaine misère comme certains peuvent le concevoir. Mais d'une misère dans le sens où, comme il le disait avant, il traitait les feuilles à même le sol, sur la terre. Donc ça crée des problèmes. Voilà, c'est ça. Ça pouvait créer des problèmes sanitaires. Mais d'un autre côté, ça remet en question aussi quand on voit que on détruit les arbres. Eux, ils ont renoncé au bétail, à leur potager, et en fait, ils sont rentrés dans une dynamique de. Plutôt qu'avant, ils travaillaient pour se nourrir. Ils avaient leur potager, leur bétail. Et en fait, ça servait pour se nourrir. Maintenant, ils travaillent pour avoir de l'argent pour se nourrir. En fait, ils ont mis un intermédiaire entre, mais toujours pour pouvoir se nourrir. Et donc de la dépendance aussi, forcément. Exactement, et en plus de la dépendance. Et du coup, c'est là où je le trouve très intéressant parce que ça ne dénonce pas complètement le monde dans lequel on est actuellement qui fait que nous, on ne travaille plus pour se nourrir. Et ça aussi, on pourra en reparler, mais c'est vrai que tous les portants de la boutique, moi, j'ai voulu les refaire. C'est moi qui les ai fait moi-même parce que je me suis dit, en fait, on a une telle déconnexion. Nous, en tant qu'êtres humains, on est là pour se loger et se nourrir. Et à la fin de mes études, je me suis dit, c'est génial, j'ai appris plein de choses. Mais en fait, demain, je ne sais pas vivre. On ne m'a pas appris à faire un potager, on ne m'a pas appris à cuisiner. Donc, heureusement, après, j'ai des parents. Mais pareil pour, je ne sais pas construire une maison. Et donc, c'est là où j'ai commencé à bricoler. Et en fait, je trouve que cette... ça re-questionne sur notre utilité sur Terre. Est-ce qu'on est là pour se nourrir, pour se loger, ou est-ce qu'on est là pour faire de l'argent pour après pouvoir se nourrir ? Bah justement, cette utilité sur Terre, on l'a grandement questionnée et on a fait une nouvelle boussole en 2030 Glorieuse. Ça y est, nous y sommes en 2030 Glorieuse et notre mission, si tu l'acceptes, Anouk, est de parler de ces 2030 Glorieuses au présent et en plus de les décrire suffisamment pour que les personnes qui nous écoutent, qui sont malheureusement pour elles restées en 2022, puissent bien les sentir, quoi, avoir avoir l'impression qu'elles sont avec nous. Hein. Et la première chose que je te pose comme question, la première question que je te pose, c'est ces 2030 glorieuses qui sont tout autour de nous. Quand tu regardes par la fenêtre, comment tu les vois et qu'est-ce qu'elles t'apportent ? Ce que je vois, du coup, en 2030 glorieuses, waouh, c'est un beau mot. Je vois que la moitié du temps, déjà, on a... la plupart des personnes ne travaillent plus qu'à mi-temps. Enfin, ne travaillent, entre guillemets, pour se faire de l'argent plus qu'à mi-temps. Donc là, par exemple, moi, dans la boutique, je suis là le lundi, mardi, mercredi, des fois le jeudi. Et après, la fin de la semaine, je rentre à la campagne et je fais mon potager. Et c'est rigolo parce qu'on a été, ces dernières années, on a été de plus en plus à aller dans cette direction où on s'est informé sur comment on s'alimente. On a tous une petite parcelle de terrain, que ce soit sur notre balcon ou à l'extérieur de la ville, où on peut faire d'autres potagers, où on peut avoir un ou deux poulets qui nous font des œufs. Et on arrive à vivre plus lentement et à apprécier à se rendre compte de la juste valeur des choses, où on se dit je travaille pour me faire de l'argent, pour peut-être partir à la montagne des fois le week-end, mais surtout en fait la plupart du temps je travaille pour me nourrir, pour m'alimenter. D'ailleurs, la personne qu'on entend taper derrière est en train de construire des bacs pour y planter tout un tas de plantes et d'herbes aromatiques. Hein. On est en train de débétoniser là à Lyon, puisqu'on est toujours dans ta boutique de Lyon, toutes les places de parking qui aujourd'hui ne servent quasiment plus. Et donc, on y plante tout un tas de choses. On a remis cette nature au pied de tous nos immeubles avec l'objectif, ça c'est la métropole de Lyon qui vient de l'afficher, d'avoir la moitié de la production de notre alimentation qui serait réintégrée dans la ville d'ici 2035. Et donc, on se met à cultiver tout ce qui est là, en fait, tous les parcs, tous les ronds-points, toutes les bandes de terre le long du tramway. On est vraiment hyper proactif pour faire en sorte que tout puisse faire pousser quelque chose de comestible, en fait. Oui, et puis en plus de ça, là, donc la personne qu'on entend qui tape, qui fait ses bacs à fleurs, elle est à côté d'autres personnes qui apprennent de lui. Et en fait, il y a une belle transmission qui revient, qui est là, qui est OK, quelqu'un fait un potager, une famille arrive avec ses enfants et la personne qui fait le potager dit aux enfants comment planter des tomates, comment les faire pousser et leur dit revenez dans un mois et puis vous verrez comment elles sont. Donc ça veut dire qu'on a notre temps qui est beaucoup plus rempli d'activités saines et enthousiasmantes, là en l'occurrence collectives, qui nous reconnectent au vivant. Ça ne veut pas pour autant dire qu'on a complètement abandonné la futilité du monde d'hier, une futilité de temps en temps qui est aussi bienvenue et en 2022 qui passait beaucoup dans la mode. Est-ce que tu peux nous dire quel est l'état de la mode actuellement, puisque 10 ans en arrière, on était au mieux sur le curseur du greenwashing. Raconte-nous comment ça a bien changé. Il y a eu une vraie prise de conscience donc par l'information, sensibilisation, en se disant c'est OK, la mode c'est un moyen, c'est une expression de soi, donc c'est OK qu'elle soit toujours présente. Parce qu'elle est là pour aussi communiquer ce qu'on pense, qui on est, et c'est super. Mais par contre, elle est là de façon beaucoup plus sobre. On est revenu dans une certaine sobriété qui est, on n'a plus des placards à craquer. On se dit que on a une pièce par an dans laquelle on investit et on va l'agrémenter. Une pièce de vêtements, tu veux dire, hein, une pièce de vêtements, exactement. On a vu un pull par an, un pull qui est incroyable. Et on se dit, oh, ça va super bien aller avec le pantalon que j'ai acheté il y a 5 ans. Donc on fait beaucoup moins, on fait beaucoup mieux. Il y a eu des moments clés, hein. Je me rappelle en 2021, 2022, tout un tas de marques engagées qui avaient lancé le collectif En Mode Climat, qui du coup a réussi à faire pression sur les législateurs pour mieux réguler la vente de nos vêtements, mieux afficher l'indice aussi écologique de ces vêtements. Donc on a effectivement une vraie éducation. Et au-delà de ça, comme tu le dis, à partir du moment où on est fier de ce qu'on porte, on est aujourd'hui aussi fier des valeurs qu'on défend et de qui on représente si bien qu'on a presque tous et toutes maintenant des vêtements qui sont complètement originaux, uniques. Ça aussi, ça dit beaucoup de ce lien qu'on a recréé en fait à une mode vertueuse. Et aussi, on consomme beaucoup plus en conscience. Donc, c'est-à-dire que quand on achète une pièce, déjà, les lois ont permis d'avoir un descriptif très clair et une transparence d'où viennent les matières premières, où est-ce qu'elles ont été confectionnées. Et et qui les a fait. Donc on a une certaine transparence qui fait que maintenant il y a plus de vêtements qui sont vendus à 1 euro parce qu'en fait c'est impossible de vendre des vêtements à 1 euro parce que c'est pas viable. Et du coup les vêtements ont un prix, mais c'est justifié, et du coup c'est pour ça que ça nous a permis d'aller vers cette sobriété, parce que cette information, sensibilisation fait qu'on ne peut plus acheter des vêtements aussi peu chers et autant aussi massivement parce que socialement et environnementalement parlant, on sait les conséquences que ça a. Toi, tu te battais beaucoup pour le seconde main il y a 10 ans en arrière. Aujourd'hui, c'est devenu largement normalisé. La plupart de nos vêtements sont issus de la seconde main. Et d'ailleurs aussi, cet avènement de la seconde main, il a participé à rendre obsolètes toutes les grandes marques de fast fashion, pour ne pas les citer, les Zara, les H&M, les Shine et compagnie. Parce qu'en fait, ces vêtements-là ne pouvaient quasiment pas être revendus tellement ils sont de mauvaise qualité. Et c'est vrai, comme tu dis, moi, quand j'ai créé Local Local, je me suis dit, le jour où j'existerai plus, c'est quand les marques, les boutiques de neuf, de fast fashion n'existeront plus. Et par contre, nous, on a trouvé le volet qui maintenant, on peut revendre des vêtements de seconde main, mais qualitatifs, toujours en expliquant, bah voilà, quelle marque, voilà, et même en disant son histoire, parce que chaque marque qui existe maintenant a une belle histoire et a des vraies valeurs, pourquoi elle est là. Et du coup, on explique que nous, on revend à un certain prix, toujours parce que à l'origine cette marque a produit de telle façon et du coup a engendré tel coût. Et donc nous on vend pareil beaucoup moins parce que en fait les parents achètent les vêtements sont plus qualitatifs et donc les parents n'ont plus à acheter une dizaine de vêtements par mois parce que le vêtement aura se sera détendu ou aura été troué. Il y aura beaucoup plus de réparations. Nous d'ailleurs dans la boutique on a un petit volet réparation pour les genoux qui ont été abîmés et du coup on vend moins, on répare plus et surtout on vend que de la qualité. Oui, donc c'est des produits qui sont plus chers aussi, donc forcément on en achète moins, et puis aussi une grosse partie de gratuité qui a été remise dans justement le monde de la mode qui était à l'époque ce symbole de surconsumérisme, du fait que tout soit mis sous le signe de l'argent, du capitalisme. Aujourd'hui, on s'est réapproprié ça aussi, on l'a mis de côté, on l'a dépassé. Et donc, les vêtements sont aussi une occasion de créer du lien, de créer des échanges. On a de plus en plus de penderies solidaires, de foires, de gratiférias, comme on les appelle, donc de foires gratuites. Et puis même entre amis, en famille, il n'est pas rare de se dire, bah tiens, aujourd'hui, on se retrouve tous ensemble et on fait un petit échange de vêtements avant pour qu'on puisse faire tourner les pièces justement qu'on met plus, dont on s'est lassé et qu'elles servent à quelqu'un d'autre en fait. Oui, c'est vrai qu'on a fait un gros pas aussi social où on se dit maintenant quand on donne c'est plus parce qu'on a pitié de l'autre personne parce qu'elle ne peut plus s'acheter des vêtements, mais plus parce que ça nous fait plaisir que notre enfant ne peut plus porter ces vêtements-là, et du coup on a vu que le voisin, la voisine a un enfant qui a 2 ans de moins et on lui dit bah regarde les vêtements ils ont été géniaux, mon enfant il a trop bien vécu dedans. Et bah tiens si tu peux toi aussi bien vivre dedans, vas-y. Et c'est vrai que ça a été toujours informel, mais de plus en plus acquis et une norme de pouvoir se transmettre, se donner les vêtements les uns aux autres. Il y a 10 ans en arrière, tu essayais de démocratiser la location qui du coup était difficile. Est-ce que en 2030 glorieuse ce système de location a trouvé un modèle économique qui marche, et si oui pourquoi? Parce que on a vu de toute manière, ça c'était déjà hérité des 2022, la location par exemple de beaux vêtements pour les mariages continue à exister. On a vu aussi se développer la location pour des vêtements très techniques dont on avait besoin assez rarement, comme les vêtements pour aller faire de la voile ou de l'escalade, des vêtements qui coûtent très très cher et qui pouvaient parfois un peu refroidir l'acheteur potentiel. Est-ce qu'il y a d'autres manières de louer des vêtements aujourd'hui en 2030 glorieuse? Et bah, le fait déjà que pour les enfants, les vêtements soient plus qualitatifs et du coup coûtent plus cher, fait qu'il y a des systèmes de location des entreprises qui sont arrivés avec des packages en disant bah voilà tous les vêtements qu'il faut pour 6 mois de la vie de votre enfant. Et du coup, c'est plus acceptable économiquement pour les parents parce qu'il n'y a plus que des vêtements qui ont un certain prix parce qu'ils ont une certaine valeur et une certaine qualité. Et du coup, il y a de plus en plus de cercles comme ça d'entreprises et d'associations de location qui se mettent en place pour pouvoir parce que les parents se disent évidemment mon enfant il va les porter que 6 mois, donc je vais pas acheter, je vais plutôt l'emprunter et après ça repartira en circulation. Parce que la notion de déchet, maintenant, elle est inconcevable. En fait, on ne peut plus... on a tellement accumulé de déchets ces 40 dernières années que là, on a pris conscience qu'on était à saturation et qu'on pouvait plus acheter et on pouvait plus être dans une économie linéaire. On pouvait plus acheter pour après se retrouver avec des choses sur les bras dont on ne sait pas quoi faire et dont on a même honte de le donner à notre famille, à nos voisins. Parce que c'est tellement peu qualitatif que ça n'a pas de valeur. Toi, Anouk, en 2030 Glorieuse, tu fais quoi? Tu disais que tu étais encore dans ta boutique de Lyon, ça veut dire que tu travailles encore pour Loca Loca? Alors nous, là, ces 5-10 dernières années, on a essayé de dupliquer le modèle dans d'autres villes en travaillant avec d'autres écosystèmes locaux. Donc les villes d'après, donc là, on en a plusieurs, mais par exemple, on peut parler de Grenoble. Quand on est arrivé à Grenoble, on a refait l'écosystème, mais qu'avec la ville de Grenoble. Donc on a acheté qu'en monnaie grenobloise. On travaille avec des associations sur le territoire qui embauchent des personnes de l'insertion ou issues du handicap. Et on reprend les vêtements auprès des parents, mais que à Grenoble. Donc, on a réussi à faire des écosystèmes par ville. Encore une fois, parce que ma volonté, c'était de me dire, enfin, c'est ce que je me dis toujours, il y a assez de richesses sur chaque territoire pour pouvoir les exploiter et pour pouvoir travailler avec. Avec un modèle qui était en plus très libre, puisque je me rappelle cette interview qu'on a eue a inspiré plein de gens en 2022, puis dans les années d'après, qui, en écoutant ton interview, se sont dit, bah tiens, moi, le modèle Loca Loca, il n'existe pas dans ma ville. Je contacte Anouk pour le lancer. Et donc, plutôt que de faire un McDonald's où toi, tu prenais un pourcentage et tu allais devenir millionnaire et vivre à Las Vegas, au contraire, tu mettais en commun tout ce savoir accumulé. Hein. Comment t'as fait? Comment ça s'est passé? Comment t'as réussi à essaimer tout ça? Justement, en voulant dépasser l'accumulation que ton expérience aurait pu te permettre, en fait, dans le modèle capitaliste classique. Déjà, comme on dit, c'est de l'open source. En fait, on n'a plus le temps d'être en concurrence les uns avec les autres. Là, c'est, il faut qu'on arrive à être dans une dynamique, non pas de s'approprier les savoirs. Au contraire, il faut qu'on les partage parce qu'en fait, plus on va les partager, plus ça va rebondir et du coup, on va pouvoir avoir des idées. Mais surtout, en fait, là, je me dis, moi toute seule, j'aurais pas le temps d'ouvrir plein de choses dans plein de villes. En fait, il faut que toutes les personnes qui ont l'énergie et qui ont la volonté de créer des écosystèmes par ville puissent avoir des informations et que si moi je peux leur donner quelques clés pour ne pas faire les mêmes bêtises que moi j'ai pu faire, ben avec grand plaisir. Parce qu'en fait, on n'a plus le temps. On n'avait plus le temps il y a 8 ans. Il nous restait quelques mois avant le point de quelques années, peut-être avant le point de non-retour. Et du coup, plus on est nombreux à s'activer pour créer des économies circulaires et surtout locales, et plus on a de chances de s'en sortir. Si bien qu'aujourd'hui, dans toutes les villes et villages, parce qu'en fait, le modèle économique de Loca Loca marche à partir de quelques dizaines de milliers d'habitants, on a des boutiques de seconde main, et belles, et qualitatives, où on se sent bien, on va boire un café, on va réparer ses vêtements, où on échange avec les voisins, un lieu de vie, en fait. Oui, c'est ça, on n'a plus l'image cheap, sale et fouillis de la seconde main. Au contraire, les endroits, les boutiques, les coins de seconde main, c'est accueillant, c'est chaleureux, c'est des boutiques qui sont lumineuses, qui sont rayonnantes et c'est des boutiques où on peut échanger, où on recrée du lien aussi avec son quartier, avec les habitants de son village et c'est des endroits où on peut avoir des idées sur idées. Donc d'ailleurs, nous, le coin réparation, c'est pas nous qui avons voulu le mettre en place, c'est quelqu'un à côté qui nous a dit « Ah, bah moi, je travaille pas une journée par semaine, je suis hyper partante pour venir et faire de la réparation. » Et donc, c'est pour ça qu'elle est là actuellement dans la boutique. On revient tout doucement en 2022, les personnes qui nous écoutent se disent, bah oui, moi, effectivement, j'ai envie d'aider à faire en sorte que le seconde main ne soit plus vu comme cheap, sale et fouillis, c'est ce que tu viens de dire. Et qu'est-ce que tu leur donnes comme conseil, ou même plus généralement, pour faire un pas vers ces 2030 glorieuses qu'on a dessinées ensemble, qu'est-ce que tu leur suggérerais comme pas suivant? Je ne sais pas si ça se dit, mais de s'inspirer des boutiques réelles qui font que pourquoi Zara, H&M marche autant, parce qu'elles ont certains codes de psychologie du consommateur et que c'est à décrier, certes, mais d'un autre côté, ça attire du monde, ça fait passer des messages et du coup, d'utiliser ce qui marche, mais de les faire avec ses valeurs. Donc d'utiliser, de savoir pourquoi Shine, etc. marche, tout en le déplorant, ça c'est clair. Mais par contre, de se dire, ok, je vais utiliser leur code pour moi installer une économie qui permette d'avoir un monde, une société qui soit plus humaine. C'est un machiavélisme assumé ? Oui, en fait, faut se dire, c'est pas un fatalisme, mais c'est de se dire, en fait, nous, en tant qu'humains, on fonctionne d'une certaine manière. Pourquoi, quand on voit écrit moins 50%, on a l'impression de faire une bonne affaire. Pourquoi on est plus OK d'acheter un produit à 9 euros plutôt qu'à 10 euros. Même ça, en fait, c'est pas conscientisé. Et du coup, ça prend plus de temps, entre guillemets, d'expliquer le pourquoi du comment, d'expliquer que la seconde main, c'est bien. Et il faut se voler, informer, sensibiliser, mais qui prend beaucoup plus de temps. Alors que si on a des raccourcis psychologiques, enfin, si on peut utiliser certains raccourcis psychologiques tels que, mettre des bonnes odeurs dans la boutique, de mettre des bonnes lumières, de mettre des bons visuels, de faire des coloramas, de proposer des tenues, c'est toutes ces petites choses-là qui sont pas conscientisées, mais qui amènent à rendre plus sympa les boutiques de seconde main. Merci Anouk. Merci Julien. Et ça y est, cet épisode avec Anouk Blanchoin se termine. Vous l'avez senti, j'étais vraiment forcément très heureux de donner la parole à Anouk. Anouk, on se connaît depuis quelques années déjà, et de voir comment elle développe son projet, toujours avec envie, mais aussi avec ses valeurs profondes qu'elle souhaite incarner elle-même. Hein. Ça se sent dans son énergie, dans sa remise en question permanente, et là, dans cette ambition qu'elle a aussi pour ce marché de la seconde main qui mérite de prendre une toute nouvelle ampleur. Et là, quand on en parle ensemble pour les 2030 Glorieuses, ça fait envie, parce qu'effectivement, ce marché de la seconde main, il permet de redonner de la vraie valeur à ce milieu de la mode qui, malheureusement, a été trop tourneboulé dans le mauvais sens pour créer de la richesse seulement pour quelques-uns, alors qu'en fait, il fait travailler des millions et il pourrait générer de la valeur pour des millions. Et à la fois, il y a aussi cette question de comment on désencombre nos vies, et notamment comment on désencombre nos étagères, nos placards, de ces vêtements qui malheureusement sont omniprésents, trop présents, et qui en plus ne remplissent pas vraiment leur rôle, puisque de mauvaise qualité, puisque passent de mode très rapidement, etc., etc. Et puis avec l'exemple d'Anouk, on imagine très facilement la vie de quartier qui en fait reprendrait encore plus de poids, et donc on tourne encore autour de cette notion de valeur, puisque des boutiques comme celle d'Anouk pourraient presque se retrouver dans tous les quartiers, et on imagine du coup ce cœur battant de la ville où les gens viennent vendre les vêtements dont ils n'ont plus besoin, ou raccommoder les pièces qui leur tiennent le plus à cœur et qu'elles ont encore envie de porter. Et puis on imagine des enfants en train de jouer, on imagine des lieux beaux, agréables, où il fait bon vivre, on imagine en fait prendre beaucoup de plaisir à pousser la porte des boutiques comme celle de Loca Loca, et si vous avez l'occasion, si vous passez à Lyon, faites-le. Mais on imagine en fait tous ces lieux qui pourraient exister et qui nous permettrait de ralentir un peu le moment où on rentre chez nous, où on se met chacun dans notre bulle et où on allume la télévision. En fait, c'est ça aussi ce qui fait la richesse d'un quartier, c'est toutes ces occasions, tous ces prétextes pour pousser la porte d'une boutique, parler, échanger quelques mots seulement parfois avec les personnes qui entourent, qui nous entourent, qui font notre quotidien et qui font en fait toute la richesse de nos communautés. Merci encore de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci de continuer à porter les 2030 Glorieuses dans votre imaginaire, mais aussi tout autour de vous. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Salut! Merci d'avoir pris le temps de voyager en 2030 Glorieuses avec nous. Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus, et abonnez-vous à ce podcast pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes. Moi, je vous dis à très vite pour découvrir ensemble d'autres utopies réalistes, et je vous donne rendez-vous sur sacommenceparmoi.org pour construire ensemble un monde meilleur dès aujourd'hui. Salut !